dans quelques instants, vous allez notamment retrouver DJ Storm. Les plus grands DJ sont dans Going Out Magazine. Ce mois-ci, Going Out Magazine présente Sandy Rivera, DJ américain du label Defected, Mr. C du club The End à Londres, Ariel Wiesman version DJ producteur, Dan Fresh pour la sortie de son deuxième album, et les fameux Till West and Delicious révélés par leur titre Fame Man. Going Out Magazine, c'est aussi maintenant le site internet goingout.fr. Alors pour découvrir toutes les interviews des artistes, la mode, les tendances et les bons plans, une seule adresse, goingout.fr. Joyeux anniversaire. Notre répondeur Galaxy, tu t'en souviens? Écoute, écoute. Galaxy, Galaxy, ça prend la tête, ça prend la tête. Galaxy, c'est plus fort que le carabin. C'est 25 ans, Galaxy est sans son répondeur. Bonsoir la planète, réveillez-vous, déchaînez-vous, tous les jours c'est la fête avec Galaxy. Galaxy, oui je cartonne. Oui, je cartonne. Tu veux payer avec le répondeur? Qu'est-ce que t'attends? Appelle maintenant 08 70 245 603. 08 70 245 603. Galaxy, joyeux anniversaire. Happy birthday. Merci, je me fais rire. Baby, you can blame. Bye. Question. Question. Question. Question. Question. Feel feel so good? How could a girl feel so good? How could a girl feel so good? How could a girl feel so good? Oh my goodness, I just don't know anymore. Oh, strange behavior. You know, all I feel. Can you see me real with me when I need you? When I need you, oh, feeling burning inside. When I need you, oh, feeling burning inside. How could a girl feel so good? Feel so good. How could a girl feel so good? How could a girl feel so good? How could a girl feel so good? How could a girl feel so good? How could a girl feel so good? How could a girl feel so good? How could a girl feel so good? I just don't know anymore of your strange behavior. You know, oh, I feel it's something with me when I need you, child. When I need you, oh, feel it burning inside. Because the only thing for me is a man. I belong to a man who wears a man's clothes. Is locked. We'll be right back.

Maxime. We'll be right back.

Life.